De bord, triste sombre, tout comme moi, je suis là, étendu avec seul pour compagnie ma tristesse. Elle est celle qui me connaît le mieux, qui m'habite à chaque instant. Je veux pas m'endormir car je redoute le lendemain. Je sais qu'elle reviendra me hanter, mais j'y suis habitué. C'est elle qui contrôle toutes mes pensées, qui se nourrit de toutes mes larmes. Mon âme aimerait savoir pourquoi m'a-t-elle résigné, car elle sait que je vais craquer et après elle va me quitter. Peut-être pour aller torturer d'autres pauvres âmes qui n'avaient rien demandé. Mais je n'ai rien à mot à lui dire. Tu es ma plus vieille amie, ma pire ennemie. Mais la vie silencieuse, elle se glisse souvent sans prévenir. Noire et triste, elle apporte le chagrin, la tristesse. Elle brise les cœurs, quelquefois elle apaise. Mais lorsque la vie est insoutenable par la souffrance, on l'appelle pour trouver la paix. Certaines personnes la provoquent inlassablement pour rencontrer des sensations ou par dépression. Elle est le contraire de la vie, de la lumière. Elle reste une énigme. Qu'y a-t-il après mystère, le noir ou la lumière? Mais la vie est faite ainsi de plaisir et d'ennui. Je suis seul et perdu dans un monde sans issue. Essayez de trouver la sortie de la forêt de l'oubli. Des arbres ensanglantés par le sombre passé, une rivière de larmes sans fond, sans âme. Je ne sais plus où aller, je suis désorienté. Je veux sortir de cet enfer, mais l'enfer est sur terre. Mais l'enfer est sur terre. La terre est l'enfer. Car l'enfer est sur terre. De l'humanité qui aimait l'an cosmique. Imaginari, poto. D'être mélancosmique, un être de l'humanité, poto. On est des êtres de l'humanité. Car l'enfer est sur terre, c'est l'enfer. Imaginari, poto.